wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah wah. Voici une émission de radio qu'ils n'ont pas sur les radios libres. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. On ne va pas dire les radios libres, c'est insultant pour la liberté. C'est des radios locales.